Benvinguts i molt ben retrobats de vell nou. Aquesta és una nova edició del nostre espai Olala Music, dedicat a la música en francès. Espero que us agradi el programa que avui us hem preparat, com sempre amb els nostres col·laboradors habituals. Amb el programa d'avui, amb en Ciril Torres i l'Àngel Rodríguez, però a més també amb el passat de la música i l'actualitat. Avui començarem, com sempre, amb un segment dedicat a l'actualitat de la música en francès. Un artista que ens lligarà després amb l'artista actual, més o menys actual, contemporani, podríem dir, que ens acompanyarà durant uns minuts. I és que una de les cançons més importants 2017 de la música en francès és aquesta, que escoltarem a càrrec d'un artista anomenat Calogero. Un personatge nascut a Quirol el 30 de juliol de 1971. Calogero Marici, més conegut com a Calogero Tan Sols, músic cantant, que als 6 anys, en diu la seva biografia, que ja mostrava un interès inusitat per la música. Va aprendre a tocar ràpidament diversos instruments, com la flauta, el piano i la guitarra. El 1986 es convertia en el vocalista i autor d'un grup anomenat Le Choc, juntament amb el seu germà Giacchino i Francis, un amic d'infància. Entre el 1989 i el 97, aquest grup van gravar 5 àlbums, que van acabar amb el 1997 al Shanghai, quan l'èxit del grup començà a minvar. Calogero va decidir llançar-se com a solista i va col·laborar amb artistes famosos de l'escena francesa, com Zazie o Pascal Obispo. Aquest darrer va ajudar-lo a la producció del seu primer disc en solitari, que va ser l'any 2000. El segon disc es va veure la llum l'any 2002 i va tenir un gran èxit, derivant-se en senzills que van encapçalar les llistes franceses. L'any 2004 va gravar el seu tercer àlbum, on es va trobar el tema que ara escoltarem, Mirant al mar, interpretat en duo amb el rapper francès Passy. Escoltem aquesta cançó, que va ser una de les més escoltades aleshores en la música francesa. On choisit ni son origine ni sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo, étant trahi de conflits et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Face à la mer. De semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a l'état profond et l'état à côté. L'état pas un euro ou la tape à l'arracher. Il y a l'état, les RMistes, l'état qu'a taffé. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air patibulaire. S'étouffe dans le goudron, cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui ont nom, qui rêvent consécration. La dalle, la gnaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé, son baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopassi 2004, action. Face à la mer, ouais. J'aurais vu grandir. Face contre terre, ouais. J'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. De la même dalle, on est toutes déçus. Je prends mon dernier rêve. De la même dalle, on vise toutes au-dessus. Je prends mon dernier rêve. On ne choisit ni son origine, ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château, qu'on peut vivre les taux. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en prix, je le conflit et prier très faux. Fils du CO, NGO, cette NGO, MJCRO. J'ai quoi les mots face à la mer. mica dels començaments en solitari d'aquest artista i també, com hem comentat, el seu èxit del 2017, una de les cançons més escoltades a França. La primera d'elles em sona la música Caloguero, em passi aquest Davant del mar, i En apesanteur és la cançó que el 2002 també va triomfar amb la seva carrera en solitari. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un homme. Cet ascenseur, j'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Aquest cantant, que és cavaller de l'Ordre de les Arts i de les Lletres a França, ens acomiadarà aquest segment dedicat a la seva música, el nostre programa de La La Música, dedicat a la música en francès, i ho farà amb la debacle dels sentiments, una cosa de la que hi entenem moltíssim, al costat d'un artista anomenat Stanislas. En Caloguero ens porta aquesta cançó. Thank you. provant-nos com també és un excel·lent artista instrumental. Després d'aquest tema, seguirem a l'actualitat de la música contemporània francesa i ho lligarem amb la primera de les cançons, una altra dels grans èxits de la música en francès a mitjans de 2017. És aquesta peça que escoltarem ara mateix, a càrrec de l'artista, així es fa dir ell, al costat de Awa i Mani. La cançó porta el nom de Chocolat. Yeah, yeah. Dans ma vie comme dans un freestyle, t'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors on va où? On fait quoi? On s'enfuit loin d'ici. On y va. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang bang bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors. El nostre repàs a l'actualitat musical o la música més contemporània del món de la música francesa i ho hem fet amb l'artista. Aquest personatge ens arriba des del Marroc, és cantant i rapper com Youssef Ben Bouadou, una petita ciutat al sud de Marrakech. Va emigrar a França a l'edat de 8 anys, residint a Bondy, després del Blanc-Mesnil, a les afores de París. De fet, aquesta cançó que acabem d'escoltar ha estat el seu més gran èxit a les llistes de música francesa, tot i que diversos dels seus àlbums han estat molt considerats com el Maestro del 2016, el Fenomen del 2015 i també el Clandestino. D'aquí s'extreia Maria, una de les cançons també capdavanteres de la seva música, a la qual tancarem aquest espai de la música més actual. És el Ça me va. Ils nous font croire que la vie est belle, que rien n'est mieux qu'ici-bas. Ils voient le monde en isocèle, nous imposent leurs faux débats. J'entends parler d'un rituel, mais tout ça ne m'attend pas. Comme un funambule, une hirondelle, je suis sur un fil et ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. J'accroche pour l'accord parfait. Je vais faire comme si mon cœur battait en BPM bien en forte. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vie, ma mascarade. Je vais me dévoiler comme convenu, comme l'ont fait tous mes camarades. Et de vos yeux, ça peut dire que vous devrez me juger. Et pour l'amour de la musique, je devrais tout sacrifier. Ma famille, ma vie, qui je suis, tout ça, on s'en fout. Du moment que les sons tournent et qu'on puisse faire bouger les foules, ça me va. T'aurais voulu être l'artiste, je te souhaite bien du courage. Moi j'ai tué ma jeunesse, je suis la victime et le coupable. Des gosses qui pleurent, des gars qui t'envient, des propositions de femmes cougars. Et le boss qui veut absolument que tu viennes boire un verre au comptoir. Et mon foie dans tout ça, et ma foi dans tout ça. Ma foi de Mboussa, mais je suis marié, petite couscoussa. Oh, ça me va, ça me va. Aquesta era la música fabulosa, doncs, que ens arribava amb aquests minuts. Serà el torn ara mateix del gran record musical i ho farem ni més ni menys que amb la companyia d'Àngel Rodríguez, que sabem que amb aquest espai ens porta sempre bons clàssics de la música en francès. Què tal, Àngel? Endavant. Què tal, Rafael? Una de les típiques cançons franceses és aquesta que us presento avui, de Charles Aznavour, Que c'est triste, Venise. Una autèntica història d'amor. Clar que, si em permets la broma, per aquell que ha estat a Venècia, la seva tristesa li pot produir recordar la factura de prendre un cafè al Cafè Florian, inaugurat l'any 1720, situat a la plaça de Sant Marc, un ple rovell de l'ou.

nosaltres el 1977, amb ocasió d'aquella campanya tan important que va haver-hi a França per la recuperació també de la nova cançó francesa, va haver-hi un renaixement important i un triomf, en particular amb la seva música, sobretot amb el seu primer àlbum, anomenat La meva ciutat. Ràpidament, però, va tenir la sensació de que el seu segell discogràfic, la CBS, no li permetia expressar la seva veritable personalitat, testimoni, per exemple, la versió de la cançó d'aquest Petit Marie que es va incloure amb el disc, en el qual la casa intentava esborrar l'accent del sud del mateix Francisc Cabrel, tant que el mateix cantant nega avui en dia, ha negat durant molts anys, la versió que es va col·locar dins d'aquest àlbum. No obstant això, va triomfar a l'Olímpia, on va estar actuant durant més d'un mes i va guanyar el premi del públic al Festival d'Espa a Bèlgica l'any 1978. Amb el seu segon disc, Els Camins, i sobretot amb la cançó capdalt d'aquest àlbum, aquella T'estimo fins a morir, o L'estimo fins a morir, fins a la mort, aquest Gelem a morir, en Francisc Cabrel va assolir l'èxit. Una cançó de les més recordades, estimades, apreciades, i que surt de dins del cor de la vida. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime mourir. Monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. On n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. Extraordinària aquesta cançó. Molts artistes al llarg dels anys han enregistrat les cançons de Francis Cabrel, i això ens ha portat a recordar més d'una vegada les seves cançons que avui acabarem de repassar amb alguna cançó més com aquella tan bonica. La recordem amb una cantant espanyola, una cantant nascuda a Caravaca de la Cruz, que va néixer el 1947 i va morir el 2009, la Maria Trinidad Pérez Mirabete Mille, la Mari Trini. Va cantar moltes cançons en francès i també peces com aquestes. T'estimo, t'he estimat i t'estimaré és una de les grans cançons de Francis Cabrel. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet,